France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle et 9e saison déjà de 42e rue, le quartier de France Musique dévoué corps et âme à la comédie musicale. Cette rentrée est chargée avec une dizaine de spectacles rien qu'à Paris. Nous vous ferons vivre cette saison, chaque semaine, cette actualité. Nous rencontrerons les auteurs en France, à Londres, à Broadway. Nous vous inviterons chaque mois à des concerts gratuits ici à France Musique et même pas plus tard que dans 15 jours pour rencontrer les troupes qui aujourd'hui font du théâtre musical. Et nous offrirons des CD, des places de spectacle à commencer par aujourd'hui. Et bien tout à l'heure, nous vous offrirons le tout nouvel album très Broadway de Barbra Streisand. Et nous ouvrons la saison avec une grande dame. Vous ne connaissez pas son nom et pour cause, elle avait signé un contrat à Hollywood qui l'engageait à rester dans l'ombre. Marnie Nixon a disparu cet été à l'âge de 86 ans. Dans West Side Story, le film, ce n'est pas Natalie Wood qui chante, c'est Marnie Nixon. Maria ! Maria ! Chut ! Maria ! Quiet ! Come down. No. Maria. Please. My mother and father will wake up. Just for a minute. A minute is not enough. For an hour, then. I cannot. Then forever. Shh. Then I'm coming up. Maria. Momentito, Papa. Now see what you've done. Momentito, Maria. Cállate. Shh. It is dangerous. If Bernardo knew. I will let him know. I'm not one of them, Maria. But you are not one of us. And I am not one of you. To me, you're all the beautiful... Maruca! Sí, ya vengo, Papa. Maruca? His pet name for me. I like him. And he will like me. No. He's like Bernardo. Afraid. Imagine being afraid of you. You see? I see you. Oh, Maria, see only me. Only you, you're the only thing I'll see forever. In my eyes, in my words, and in everything I do. Nothing else but you, ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight I see as Maria. Tony, Tony. With you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be. All the world is only you and me. Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you. And the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. Just a word is a star. With suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today, the world was just an address, a place for me to live in, no better than all right. But here you are, and what was just a word is a star. Stay. Go quickly. I'm not afraid. Please. Good night. Buenas noches. On les appelait les ghost singers, des chanteurs qui, dans l'ombre, dans le plus grand secret, doublaient dans les films musicaux les plus grandes stars qui ne savaient pas chanter. Christopher Plummer dans La Mélodie du Bonheur, Sid Charis, John Crawford, Sophia Loren, Kim Novak, Rita Hayworth, Sidney Poitier, Lucille Ball, Vera Ellen, Leslie Caron dans Gigi, Rita Moreno dans West Side Story. Toutes avaient des voix fantômes. Marnie Nixon fut la plus grande des voix fantômes. Elle a doublé Natalie Wood dans West Side Story, Deborah Kerr dans Le Roi et moi, Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Elle s'est éteinte cet été. J'ai eu la chance de la rencontrer en l'an 2000. Ce matin, je vous propose de l'écouter se raconter. Bonjour Marnie Nixon. Bonjour Laurent. When I was a teenager, I was mainly doing classical things, operas and operettas and choral oratorio work. Adolescente, je chantais surtout du classique, de l'opéra, de l'opérette, des œuvres chorales, des oratorios. J'ai fait mes débuts en tant que chanteuse soliste dans le Requiem de Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles à 17 ans. Et puis, à 18 ans ou 19 ans, je gagnais ma vie et payais mes cours en enregistrant des publicités, des jingles. And sort of subsidizing myself by doing chorus work and jingles and commercials. Pillsbury makes it best, you know, like the Swingle Singers. Vous savez, comme les Swingle Sisters, c'était dans des chœurs pour la radio, pour la télévision, en voix off. And that led to the music departments of the various studios. Les départements musique des différents studios à Hollywood ont eu vent que je pouvais chanter dans plein de styles différents. Je pouvais imiter différents styles de voix. Parce que j'avais pris des cours de comédie, parce que j'avais l'oreille absolue et une bonne technique. Donc je pouvais chanter dans n'importe quel style, quasiment à la volée. Alors ils ont commencé à faire appel à moi pour doubler la voix d'actrice qui ne savait pas chanter. On m'appelait, on me disait, tiens, on a une actrice célèbre qui ne sait pas chanter, on croit que vous pouvez l'imiter, imiter sa voix, est-ce que vous pouvez venir ? Le doublage a donc débuté par accident. C'était pour des petites parties dans des films. La première fois, c'était pour une chanson de l'enfant actrice Margaret O'Brien dans Le Jardin secret en 1949. That's a strange song. I must ask you about it someday. Not what would you wear but just an air of great repose? You are quite perfect from your head down to your toes. Both night and day, I am moved to see. Lovely to look at, delightful to know, and heaven to kiss. A combination like this is quite my most impossible scheme come true. Imagine finding a dream like you. To look at, it's thrilling to hold you terribly tight. For we're together, the moon is new, and oh, it's lovely to look at you tonight. Clothes must play a part to light an eye, to win a heart. They say a gown can almost speak. If it is chic, should you select the right effect, you cannot miss. You may be sure he will tell you this. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, la vraie voix de Marnie Nixon dans cet album qui s'intitulait Marnie Nixon chante Jérôme Kern et des chansons que vous avez reconnues, The Way You Look Tonight et Lovely to Look At. Et puis juste auparavant, en 1949, la première fois que Marnie Nixon double en secret une jeune actrice à Hollywood, c'était dans le film Le Jardin Secret. Marnie Nixon est née en Californie, près d'Hollywood, en 1930, au sein d'une famille de musiciens. Elle débute le violon à 4 ans et pour se payer des cours, elle chante avec ses 4 sœurs dans des mariages, dans des bar mitzvahs. Elle prend aussi des cours de théâtre et elle devient donc voix fantôme. Elle chante, on l'a compris, en secret dans des films à la place de grandes stars, par exemple. Elle chante les notes les plus élevées à la place de Marilyn Monroe dans la fameuse chanson « Diamonds are girls' best friend ». dans le film « Les hommes préfèrent les blondes ». Et puis le grand rôle arrive en 1956. Enfin, le rôle, entre guillemets. Lorsqu'elle double le rôle principal, Deborah Kerr, qui interprète l'héroïne, Anna, dans l'adaptation au cinéma du « Roi et moi », la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. The film was already in production and they had hired somebody to do the dubbing for Deborah Kerr. Le film était déjà en cours de production. Quelqu'un avait été embauché pour doubler Deborah Kerr, mais elle était morte par accident 10 jours avant le début de l'enregistrement des chansons. Ils avaient donc besoin de quelqu'un de toute urgence. Le directeur vocal Ken Darby et le directeur musical des studios de la 20th Century Fox me connaissaient à travers mon travail qui me permettait de gagner de l'argent et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit « on croit que tu peux faire ce travail ». Ils m'ont envoyé à la maison un enregistrement sur un disque noir en cire avec la voix parlée de Deborah Kerr. Ils m'ont dit « viens au studio ». Je connaissais bien sûr les chansons de la comédie musicale « Le Roi et moi ». Ils m'ont dit « vois si tu peux imaginer comment Deborah Kerr chanterait ces airs, comment t'y prendrais tru pour donner à cette voix parler une voix chantée ». Et c'est ainsi que j'ai eu le job. Ensuite, j'ai travaillé avec Deborah Kerr à raison d'une chanson par semaine. Il y avait 6 chansons, si je me souviens bien. J'ai donc travaillé 6 semaines. Et j'étais avec elle littéralement lors des répétitions des scènes, lors des chansons. Je me levais, je me tenais debout à côté d'elle, je marchais sur le plateau avec elle, elle me regardait, je la regardais, chacun prenait un peu de l'autre, elle chantait, moi je chantais. And she would sing and I would sing. And then finally when we thought we had it all really together, then we went. Quand on pensait qu'on tenait bien la prise, qu'on avait bien répété, j'allais au studio enregistrer la chanson. Ensuite, lors du tournage, c'était à elle de faire semblant de chanter alors que la chanson était diffusée sur le plateau. May not be the man so. tell him, please, to put on some speed. Follow my lead. Oh, how I need someone to watch On se fait plaisir en écoutant la vraie voix de Marnie Nixon ce matin. Sur la 42e rue, elle interprétait cet air de Gershwin, Someone to Watch Over Me. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Marnie Nixon interprète donc, double donc, Deborah Kerr dans les chansons du film Le Roi et moi. Alors je lui ai tout simplement demandé qu'est-ce que ça lui avait fait, qu'est-ce qu'elle avait ressenti, Marnie Nixon, lorsque le film a connu ce grand succès, parce que personne ne parlait de vous. Well, I had to accept the fact that I wasn't going to get credit right from the beginning because they made me sign a contract and they were very. J'ai dû accepter dès le départ de ne recevoir aucun crédit au générique du film. Le studio m'avait fait signer un contrat. Ils étaient extrêmement catégoriques et menaçants. Le service de communication m'avait appelé. Si jamais quelqu'un apprenait que j'avais chanté une seule partie d'une chanson de Deborah Kerr dans le film, il ferait en sorte que je ne travaille plus jamais. Can you imagine? It was like the mafia, you know, they're going to shoot you or something. It was terrifying. Vous imaginez, c'était comme la mafia. C'était effrayant. À l'époque, j'avais vraiment besoin de cet argent. Je ne voulais pas risquer de ne plus trouver de travail. Je suis restée discrète et j'ai signé un contrat où j'acceptais de ne rien dire. J'ai même appelé les syndicats et ils m'ont dit que cette clause était parfaitement légale. What you signed, if that's what they want, you can do it. We have no, you know, recourse. But it was Deborah Kerr herself who actually let the secret out. She went to New York. En fait, c'est Deborah Kerr qui a levé elle-même un voile sur le secret. À New York, elle a donné une interview à un très célèbre journaliste et elle lui a dit que j'avais doublé sa voix pour les notes hautes. Bon, c'est pas vrai, mais elle a mentionné mon nom. She's a lovely lady, and she respected me, and she said, "Well, Marnie, I don't have to know what's in your contract." C'est une femme adorable, Deborah Kerr. Elle me respectait. Elle m'a dit, Marnie, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre contrat. Je peux le dire. Et c'est ce qu'elle a fait. Je suis quand même restée discrète. Mais au fur et à mesure, vous savez, un tel secret, il devient de plus en plus important. Les gens commencent à en parler, à en faire tout un fromage. Ça devient presque un scandale. C'est devenu comme un chiffon rouge. On a finalement parlé plus de moi, peut-être, que s'ils avaient dès le départ dit que je doublais Deborah Kerr. I think I got more publicity out of the fact that it was supposed to be a secret than if they had just given me credit. It's a very ancient saying, but a true and honest thought, that if you become a teacher, by your pupils you'll be taught. As a teacher I've been learning, you'll forgive me if I boast, and I've now become an expert on the subject I like most, getting to know you. Getting to know you, getting to know all about you. Getting to like you, getting to hope you like me. Getting to know you, putting it my way, but nicely. You are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy. with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you. To know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hold you like me, getting to know you, putting it my way, but nicely, you are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new. Marnie Nixon, la voix chantée de Deborah Kerr dans Le Roi et moi en 1956 et cette chanson Getting to Know You. Ensuite, Marnie Nixon est choisie pour doubler Natalie Wood lorsqu'elle chante dans le film West Side Story. Et là, nous explique Marnie Nixon, l'enregistrement s'est fait en deux temps. After you have done the recording, sometimes you have to go back and re-record some things with the film already made. Après avoir fait l'enregistrement, parfois il faut retourner en studio pour réenregistrer des chansons une fois le film déjà tourné. Alors dans ce cas, c'est compliqué, on met un casque, on écoute la prise originale dans une oreille, l'orchestre dans l'autre, et il faut synchroniser sa voix, ses lèvres, à ce qui apparaît à l'écran et qui a déjà été filmé. C'est pas vraiment la bonne façon de faire, mais c'est comme ça qu'on a beaucoup travaillé pour West Side Story, parce qu'ils avaient jeté tous les enregistrements initiaux, et j'ai dû venir et poser ma voix sur le film qui avait déjà été tourné, même si on avait déjà tout préenregistré. Well, I can make different sounds, evidently. I mean, just imagining. Vous savez, avec ma voix, je peux prendre plusieurs sonorités. Alors, comment je travaille? Ben, j'imagine simplement comment ces chanteuses sonneraient si elles pouvaient chanter. J'imagine les accents, j'imagine leur hauteur de voix, et puis j'essaye de produire un son différent. Pour doubler Natalie Wood et toutes ces actrices, je crois que les cours de théâtre que j'ai pris m'ont beaucoup servi. Parce qu'on s'imagine en fait dans une autre personne, tout simplement. Et alors voilà, un autre son sort. C'est... J'ai une grande tessiture. Parfois, je peux chanter bas, parfois très haut. Dans West Side Story, les notes étaient plus élevées que dans Le Roi et moi. Oh. Et la voix qu'on entend alors que l'on voit à l'écran Natalie Wood dans le film West Side Story, eh bien c'est bien celle de Marnie Nixon. Marnie Nixon, vous l'entendez aussi dans le film Mary Poppins en 64. It's a happy holiday with Mary. That was me. C'est moi qui chantais. J'ai enregistré trois fois ce passage de la chanson Jolly Holiday et je faisais des harmonies avec moi-même. Et puis parfois, Marnie Nixon voit enfin apparaître son nom sur une pochette de disque. An affair to remember, actually, before that, I asked to get credit and they said, yes, we'll give you credit. Pour le film, elle et lui de Léo Macaré, An Affair to Remember, j'ai demandé que cette fois, mon nom apparaisse pour avoir doublé Deborah Kerr. Alors, les studios ont accepté pour l'album, mais ils ont été très malins. Parce que sur la pochette, il y avait tous les noms, Deborah Kerr, Cary Grant, le réalisateur. It gave credit to all the musicians. Il y avait écrit tous les noms des musiciens. And then in very small print, et puis tout en bas, en toute petite lettre, il y avait écrit soprano soliste Marnie Nixon. Now, nobody had any idea that was. Qui pouvait savoir que cela voulait dire doublage de Deborah Kerr dans les chansons? Au moins, il y avait mon nom, mais tout le monde se demandait où était cette soliste soprano dans l'album. Ça voulait rien dire. Thank you, ladies and gentlemen. As you know, this is my last night, so I would love to sing a song for you that is very close to my heart. femme de l'ombre, une voix fantôme ce matin sur la grande affiche pour la rentrée de 42e rue. Elle s'appelait Marnie Nixon. Elle doublait encore une fois dans ses chansons Deborah Kerr dans le film An Affair to Remember. Et puis à l'instant, c'est un enregistrement bien plus récent de Marnie Nixon qui incarnait la grand-mère du héros dans la reprise de la très belle comédie musicale de Rodgers et Hammerstein, Allegro. I know it can happen again. J'ai rencontré Marnie Nixon, c'était en l'an 2000, et je lui ai demandé si, à force dans l'ombre, d'être dans l'ombre, alors qu'on l'a entendu, elle savait jouer et chanter, elle n'avait jamais eu de velléité de jouer aussi devant la caméra. Oh, well, of course, that I had to accept right off the bat, that obviously I wasn't a film star, so they weren't going to hire me. Oh, j'ai dû accepter dès le départ que je ne serais pas une vedette de cinéma et qu'ils ne m'embaucheraient pas. Vous savez, à l'époque, j'avais ma propre carrière. Je faisais mes propres concerts. Je ne pensais pas que tout cela deviendrait une grande part de ma carrière en termes de notoriété. Because in those days, I was doing lots of operas. I had done... À l'époque, je chantais dans beaucoup d'opéras. J'avais chanté, je crois, dans 22 opéras à l'âge de 21 ans, sur la côte ouest. Et puis, j'avais chanté avec l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction de Leonard Bernstein. J'étais parti en tournée, j'avais joué dans mon propre spectacle à Londres. J'avais pas de problème d'ego. It wasn't like a big ego trip for me. The dubbing was like, it was just an interesting job. Pour moi, ces doublages, c'était un travail intéressant. C'est tout. Un travail de comédien, c'est un challenge, c'était plutôt bien payé. In those days, what I was doing was a lot of concerts, a lot of shows, some recordings. I was doing a lot of esoteric work with Stravinsky and à l'époque, je me rappelle, je faisais beaucoup de concerts, de spectacles, j'enregistrais, j'avais eu des enregistrements un peu ésotériques avec Stravinsky, j'avais enregistré des œuvres complètes d'Anton Weinbern, de Schoenberg, enfin bref, j'étais connu dans ce petit monde un peu élitiste, et ce travail en plus était juste drôle. Je ne pensais pas que ça changerait ma carrière. Je n'ai pas réalisé l'importance de ces films musicaux. I have flowers of white. Come and see where they grow in my garden. Child. À nouveau, la vraie voix de Marni Nixon, Smoke Gets in Your Eyes, de Jérôme Kern. Et puis auparavant, elle parlait de travail ésotérique. C'était son enregistrement d'une des trois poésies de la lyrique japonaise de Stravinsky. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Marni Nixon expliquait à l'instant que les doublages qu'elle a fait de grandes vedettes pour de grands films étaient bien payés. Le New York Times a publié cet été le chiffre. Elle a été payée 420 dollars pour doubler Deborah Kerr dans Le Roi et moi. Je lui ai demandé à Marni Nixon, de tous les doublages qu'elle a fait, de chansons, dans des films, celui qui fut le plus compliqué. I think the most difficult dubbing was My Fair Lady. Because you have different accents. You have the Cockney. Le doublage le plus difficile pour moi, ça a été My Fair Lady, parce qu'il fallait prendre plusieurs accents. L'accent cockney, un accent authentiquement britannique, un accent de la haute société, et puis aussi à cause de la voix d'Audrey Hepburn. Had a very different timbre to her voice. She was a very kind of, she had a broad mouth. Elle avait un timbre très particulier, elle avait une bouche large, un phrasé très particulier qui vient, j'imagine, de sa Belgique natale et du fait qu'elle a grandi à Londres. Elle avait le maniérisme et les caractéristiques de son phrasé. Et puis le timbre de sa voix, c'était celui d'une mezzo. And actually, even though I'm speaking low now, the timbre of my voice is really. Même si aujourd'hui vous entendez ma voix est plus basse, le timbre de ma voix est plutôt dans les aigus, plutôt clair. And so it was a challenge to kind of get all the accent and the emotionality and the expression. Donc c'était vraiment pour moi un challenge d'avoir les accents, l'émotion, les expressions dans le registre d'Audrey Hepburn, et pareil pour Natalie Wood. We were talking about Audrey, I'm sorry, yes. It's rather dull in town, I think I'll take me to Paris. The missus wants to open up the castle in Capri. Me doctor recommends a quiet summer by the sea. Wouldn't it be lovely? All I want is a room somewhere, far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cow making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely, lovely, lovely, lovely, lovely? Somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of coal, make lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Sitting absolutely still. I would never budge till spring crept out from the windowsill. Someone's head made. resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me, I wouldn't it be lovely, lovely, lovely, lovely. C'est Marnie Nixon qui chantait dans My Fair Lady à la place de Audrey Hepburn lorsque vous l'entendez chanter par exemple Wouldn't It Be Lovely. Pour mieux cerner ses goûts à Marnie Nixon, je lui ai demandé à la fin de cet entretien quel morceau elle aimerait partager avec les auditeurs. You know what I really love is Rosenkavalier. I love Strauss. Vous savez, j'adore le Chevalier à la Rose de Strauss. J'adore Mozart. J'aimerais entendre, par exemple, Arlene Auger chanter Exultate Jubilate de Mozart. I liked anything Leontine Price. Ou alors n'importe quelle chanson de Leontine Price. All right. Merci beaucoup, Marnie Nixon. Merci beaucoup, and à bientôt. What else can I say? Right. As the rain Right as the Rain, une chanson de Harold Arlen pour faire plaisir à Marnie Nixon, interprétée ici par Leontine Price dans l'album d'André Prévin, Right as the Rain. Marnie Nixon, donc, qui a disparu cet été à l'âge de 86 ans. Dans l'actualité des comédies musicales, il y a tout d'abord un album très Broadway qui est paru cette semaine. C'est le retour attendu de Barbra Streisand en duo dans cet album avec des comédiens. Elle reprend de façon parfois sucrée, parfois mordante, des chansons plus ou moins connues de comédies musicales. L'album est sorti chez Columbia et comme c'est la rentrée, j'en ai 5 à votre disposition. Il faut que vous m'écriviez très vite en allant sur francemusique.fr. Vous allez sur la page 42e rue et là, il y a un petit onglet contact. Vous tapez dessus, vous marquez votre nom et surtout votre adresse pour qu'on puisse vous l'envoyer si jamais vous êtes tiré au sort. Voilà, vous avez quelques instants pour nous écrire. L'album, en tout cas, compte, c'est intéressant, 3 reprises de chansons de Stephen Sondheim, dont ce duo avec Antonio Banderas. Aren't you happy here? Just the two of us in our own private world? Of course, but it's the only world I know. And there's a whole other one outside. And I want to know that one too. No, you don't. It's cold and dark, full of disappointment and demands. And people. Yes. Let me see a world with clouds. Take me to the world. Out where I can push through crowds, take me to the world. A world of skies that's bursting with surprise, where still I'd fill my eyes with you. Oh, take me to the world that's real. Show me how it's done. Teach me how to laugh, to feel. Move me to the sun. Just hold my hand whenever we arrive. Take me to the world where I can be alive. We'd never be alone. People would never leave us alone. But we'd be together. That would make the difference. Let me see the world. I have seen that smiles. Take me to the world. And it's mean and ugly. Out where I can see. Just to see for each miles. Other here. Take me to the world. He's fine with me. Just hold stay my hand here. I love you. Do this. All right. Do you want the world? I do. Well then, you shall have the world. Thank you, my love. Ask me for the world again. You shall have the world. A world of skies that's bursting with surprise. Open up your eyes with joy. We shall see the world come true. We shall have the world. I won't be afraid. With you all, we shall have the world. I'll hold your hand and know. We shall have the world. Quelle dragueuse, cette Barbra Streisand, un album qui s'intitule Encore, qui vient de sortir et que nous vous offrons. Vous avez encore quelques secondes pour nous envoyer un mail. Je donne la liste des gagnants dans un instant. Le temps de voir le reste de l'actualité des comédies musicales cette semaine. Ne pas rater surtout le concert unique de Ananda Setanen autour de la musique américaine. C'est samedi soir à Vincennes dans le cadre du Festival America. Ne pas rater le spectacle dit Tony à la Comédie Nation. C'est jeudi soir, qui propose de faire revivre avec humour et magie le meilleur des productions musicales américaines récompensées ces 10 dernières années aux Tony Awards. Et puis ne pas rater cette loufoquerie, cette savoureuse pièce de théâtre musical au Splendide, signée Nicolas Limbrera. Ça s'intitule Cousin comme cochon, une pièce à la Feydeau, avec duc, cocu et chasseur, duchesse, amant, bonne, préfet un peu homo sur les bords, une forêt dangereuse. Bref, tous les ingrédients sont là, c'est drôle, les comédiens se lancent dans des chansons à tout bout de champ, dans des styles qui vont de France Gall à l'opérette, avec notamment une bonne truculente. Voici un bout de son grand numéro incarné par, alors le son est très mauvais, mais quand même la voix est là, Emmanuel Bougerolles. Ça s'appelle Cousin comme cochon, c'est au Splendide à Paris, tous les soirs à 19h30. Plus d'informations, vous en avez l'habitude, sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr avec la programmation musicale. Le podcast, allez, le tirage au sort a eu lieu, bravo à Pierre Canter à Parois, bravo à Valérie Lajoignie à Villecrène, à Didier Battard au Moutier en Resse, à Jean-Marie Lefrançois au Grand Quevilly et à Huguette Puzna à Villeneuve de la Rao. Martine Monique qui m'aide à préparer cette émission vous envoie cette semaine ce nouvel album de Barbra Streisand. Et puis notez que le prochain cabaret 42e rue vous attend dans 15 jours exactement, dimanche 18 septembre. Nous recevrons en direct, ici même, deux troupes de comédie musicale événement. 31, qui a affiché complet cet été à Avignon, dans le off, et puis Oliver Twist, quelques jours avant sa création, salle Gaveau. Pour réserver vos places, une seule adresse, là encore, francemusique.fr. Merci ce matin à Xavier Atto, Paul Simonacci, Annick Champagne, Martine Moni, et à la réalisation, à Perrine Minguy.